بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Ayyuha l'ikhwa al-kiram, ce cours est donc le 11e cours de cette silsila dont l'objectif est d'exposer et d'exposer une introduction à cette science qui est ilmu usul al-fiqh. Nous en étions arrivés au dernier cours à la troisième étape que cette science a rencontrée chez Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Lors de cette étape, distinguèrent deux grands imams qui sont Cheikhul Islam Ibn Taymiyyata rahimahullahu ta'ala et son élève Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Et nous avions cité de quelle manière se distinguait le travail de ces deux grands imams. Nous avions vu un premier côté, et là aujourd'hui, inshallah ta'ala, sanara janiban thani. جانبا ثانيا لعمل هؤلاء الأعلام. فأقول مستعينا بالله عز وجل. Donc ces paroles là sont les paroles, ce que je vais mentionner sont les paroles de Cheikh Al-Jizani. قال الجانب الثاني الرد على الباطل وكشف زيفه وبيان بطلانه وذلك بعد الوقوف على مآخذه عند أهله لمقارعة الحجة بالحجة كل ذلك بأدلة المنقول والمعقول مع النصيحة والبيان فكان هذا الصنيع تصحيحا للخطأ وتقويما للإعوجاج وتوضيحا للحق ودعوة إليه ونصحا وفضحا للباطل وتحذيرا منه. Donc leur deuxième champ de travail consistait à répondre aux faux et aux mensonges et dévoiler et exposer son invalidité, c'est-à-dire l'invalidité du faux auquel Ahlul Bidah, les innovateurs, invitaient, et sa nullité après une connaissance correcte de ses sources chez ceux-mêmes qui défendaient ces doctrines et ces dogmes erronés et qui y adhéraient. Pour quelle raison maintenant ces deux imams cherchaient à connaître al-ma'akhidh, les sources mêmes qui ont mené ceux qui défendent ce faux à le défendre? C'est afin de repousser et de combattre la hujja par la hujja. Tout ceci bien sûr sur base des preuves textuelles, ce qu'on appelle al-manqul. Al-manqul en français est un synonyme de des preuves textuelles, al-manqul. Et rationnel, c'est ce qui désigne en arabe al-ma'qul. Al-ma'qul, ce sont les preuves rationnelles, et al-manqul, ce sont les preuves textuelles. Donc tout ceci basé sur base de preuves textuelles, al-manqul et rationnel, al-ma'qul, accompagné de conseils, de nasiha et exposé de la vérité, al-bayan. Cette démarche permit donc de corriger les erreurs, rectifier les déviations apparues entre-temps, éclairer et mettre la lumière sur la vérité, et prêcher et inviter à cette même vérité au haqq. Et enfin, dénoncer et prévenir contre le mensonge al-batil qui se propageait à cette époque. Je répète, et enfin, prévenir et mettre en garde contre le mensonge al-batil qui se propageait à cette même époque. Voici certains exemples de cet exposé de la vérité et ce dévoilement du mensonge que ces deux imams s'efforcèrent d'exposer. المسألة الأولى مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان طرفي الانحراف في هذه المسألة. La première question qu'ils exposèrent était la question de ce qu'on nomme التحسين والتقبيح العقليين, la question du tahsin et du taqbih rationnel, c'est-à-dire déterminer le bien et le mal à travers la raison. On mentionnait et ont énoncé la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a sur cette question et ont de même mis en garde contre les deux extrémités, à savoir le madhhab des Asha'ira et le madhhab des Mu'tazila. Maintenant, cette question qui est tahsin wa taqbih al-aqliyain, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à savoir est-ce que les choses présentes dans le monde ont un bien et un mal en soi, et est-ce que la raison humaine et la prédisposition naturelle fitra salima, ce qui est saine et qui n'a pas été falsifiée, est-ce que cette raison et cette fitra sont à même de savoir ce qui est un bien et ce qui est un mal? Donc sur cette question, les groupes s'affiliant à cette umma se divisèrent en trois. Il y a eu tout d'abord Al-Asha'ira. Al-Asha'ira qu'ont-ils dit? Ils ont dit la khayra. Il y a eu tout d'abord Al-Mu'tazila qui ont dit quoi? Qui ont dit Al-Khayr wa Shar yu'arafani bil-aql wa al-Thawab wa al-Iqab yathbutani kadhalika bil-aql. Donc le bien et le mal sont connus et peuvent être déterminés par la raison, et le châtiment et la récompense pour ce bien et ce mal-là sont de même affirmés par la raison. Donc selon les Mu'tazila, les Sahaba radiyallahu anhum, qui ont bu du vin avant même qu'il ne soit interdit, ces derniers méritaient le châtiment d'Allah Ta'ala. En opposition à ce madhhab, et en opposition à ce manhaj, est apparu un autre manhaj, qui était celui de Al-Asha'ira, à leur tête, Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, qui est, comme vous le savez, revenu quasiment vers la voie d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a à la fin de sa vie. Il est revenu à la aqidah de, il se rapprochait plus de la aqidah de Ibn Kulab, et qui était à la tête d'une firqa qui s'appelait al-Kulabiyya, qui était une firqa plus proche de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a que ne le sont les Ash'ari. Mais vu que là n'est pas le sujet, nous n'allons pas entrer dans les détails. Mais donc Abu al-Hassan al-Ash'ari, et en particulier donc en général al-Ash'ari, on dit ni le bien, ni le mal, ni le châtiment, ni la récompense ne peuvent être affirmés avant que le message ne soit arrivé. فَلَا حُسْنَ وَلَا قُبْحَ وَلَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ قَبْلَ الْخِطَابِ. Il n'y a ni bien, ni mal, ni châtiment, ni récompense avant que le message ne vienne. Donc selon eux, la sha'ira, le shirk n'est pas mauvais en soi. Le shirk est mauvais parce qu'Allah nous l'a dit. Et c'est ce qui a mené l'imam Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, à dire une parole qui était assez grave. Dans Al-Muhalla, il dit, rahimahullah, si Allah avait voulu, il aurait ordonné le shirk. Et il aurait récompensé éternellement au paradis celui qui fait du shirk. Et s'il l'avait voulu, il aurait interdit le tawhid et châtié éternellement en enfer celui qui commet le tawhid. Donc on imagine la gravité de cette parole. Mais cette parole-là, elle découle de quoi? Elle découle d'un asl, qui est que selon Ibn Hazm et selon la Sha'ira en général, le bien et le mal ne sont pas connus à travers ni la raison ni la fitra. Le bien et le mal sont connus à travers quoi? À travers les textes. Donc ce que les textes affirment comme étant un bien, c'est un bien. Et si les textes ne affirment que c'est un mal, c'est un mal. Et il n'y a pas de bien qui est connu avant les textes, ni de mal qui est connu avant les textes. La troisième position, c'est la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a, et que Cheikh l'Islam Taymiyyah s'efforça d'exposer, de même que Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui est que le bien et le mal sont connus par la fitra et par la raison, par le aql. Mais le châtiment pour le mal que la fitra a connu et que le aql a déterminé n'est mérité qu'après la récompense. Le châtiment n'est mérité qu'après la récompense. Al-husn wa al-qubh yathbutani qabla al-khitab, amma thawab wa al-iqab fala yathbutani illa ba'da al-khitab. Donc le châtiment n'est affirmé qu'après que le message ne vienne. Donc Ça, c'est la position intermédiaire de Ahl Sunna. Donc, le shirk, par exemple, est connu comme étant mauvais par la raison et par la fitra. Mais le châtiment n'est attribué qu'après que le message ne vienne. Avant que le message ne vienne, nul ne mérite le châtiment, bien que, par sa même raison, il sait et il sait le mal de ce shirk-là. Donc, ça, c'était la première question que ces deux imams s'efforcèrent d'exposer. Et par la même occasion, ils ont mis en garde contre les deux extrêmes déviantes à ce sujet, à savoir Al-Mu'tazila et Al-Asha'ira. À savoir Al-Mu'tazila et Al-Asha'ira. Le deuxième point était le jinayatu ta'wil wa khuturatuhu wa bayanu sahih minhu wal batil. Donc le crime, c'est-à-dire le crime et le danger du ta'wil, de la mauvaise compréhension, de la mauvaise interprétation, et l'exposé du ta'wil qui est valide, qui est correct, et le ta'wil qui n'est pas correct. Et les conditions pour qu'un ta'wil soit valide, et les conditions pour qu'un ta'wil soit valide, et si ces dernières ne sont pas remplies, ce ta'wil-là n'est pas valide. Ça, c'est une des choses aussi qu'ils exposèrent. Troisièmement, ar-raddu ala man za'ama anna an-nusus tufidu adh-dhanna wa la tufidu al-yaqina wa dhikru al-amthilati ala dhalik wa dhikru al-amthilati ala dhalik. Troisièmement, la réponse à ceux qui ont prétendu que les textes, dans leur globalité, n'indiquent que le dhan, c'est-à-dire dhan, et l'i'tiqad ar-rajih. La réponse à ceux qui ont prétendu que les textes, dans leur globalité, n'indiquent que le dhan, que la probance, c'est-à-dire que ces textes, ce que les textes affirment, on suppose majoritairement que c'est vrai, mais on n'en est pas certain, et non la certitude, al-yaqin, et l'exposé des preuves affirmant ce point-là. Donc, Ibn al-Qayyim et Cheikh l'Islam Taymiyyah s'efforcèrent d'exposer ce point-là et de montrer que les textes tufidu al-yaqin, parce que al-falasifa, ils ont dit quoi? Ils ont dit les textes la tufidu illa al-dhan, amma al-aql fahuwa qat'iyya al-dalala, fa idha ta'arada al-dhanni wal-qat'i fa nuqaddimu al-aqli bi amri Allah azza wa jalla wa imtithalan li amri Allah. Donc les philosophes à cette époque-là, ils ont dit quoi? Ils ont dit les textes n'indiquent que adhan, que la supposition majoritaire quant à leur dalala. Mais la raison, ce qu'elle affirme, c'est certain. Donc si nous avons une opposition entre l'aql et le naql, nous qaddimons l'aql à la qawlihim. Donc ils ont dit s'il y a une opposition entre les textes et la raison, on fait passer les textes avant la raison, avant même les textes. Ça, c'était la parole des philosophes, et c'est que ces deux imams s'efforcèrent, dont les deux imams s'efforcèrent d'exposer la fausseté. Rabi'an, dar'u at-ta'arudhi bayna al-'aqli wan-naql wa iqamatu ad-dalil wa ash-shawahidi 'ala dhalik. Quatrièmement, rejeter l'idée d'une contradiction entre la raison et les textes, et l'établissement ou l'exposé des preuves et des témoins qui rejettent cette théorie-là. Quelle théorie? Qu'il y a une contradiction entre la raison et les textes. Il n'y a pas de contradiction entre l'aql sarih ou an-nass sahih. Il n'y a pas de contradiction entre l'aql sarih as-salim et entre an-nass sahih. Entre la raison saine et explicite, ce que la raison indique d'une manière explicite, et entre les textes authentiques, il n'y a jamais de contradiction. Donc ces deux imams s'efforcèrent d'exposer ce point-là, qu'il n'y a pas de contradiction entre ces choses, et de répondre aux ambiguïtés de ceux qui prétendent le contraire. Donc par conséquent, on voit que les efforts de ces deux imams et leurs vestiges sont une continuité des guides d'Ahl Sunnati wal Jama'a qui les précédèrent, tels que Ibn Abdil Barr al-Khatib al-Baghdadi et Abu al-Muzaffar ibn Sam'ani. Sans oublier bien sûr l'éminent imam, l'imam Muhammadu ibn Idris al-Shafi'i et autres parmi les imams d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Ajoutons à ça que ces deux imams, à savoir Cheikhul Islam ibn Taymiyyah et Al-Allama ibn al-Qayyim, rectifièrent les idées erronées présentes dans les livres de Al-Usul des Mutakallimin. Aussi, l'œuvre de ces deux imams représente, premièrement, une étude rectificative, une étude rectificative des ouvrages d'Usul al-Fiqh sur la voie des mutakallimin. C'est une étude rectificative qui a eu pour but de rectifier certaines erreurs qui sont apparues sur la voie des mutakallimin. Et la voie des mutakallimin, je répète, à la tête de cette voie-là, il y a l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Et cette voie-là se distingue de la voie de al-Fuqaha. De l'Fuqaha qui sont les savants de l'Ahnaf. Al-Mutakallimin, dans leurs ouvrages, on trouve très peu de Amthila, Tatbiqiyya ou de Furu'a qui permettent d'y voir plus clair quant au véritable sens et la réelle portée des Qawaid al-Usuliyya. Donc, dans ces ouvrages-là, à travers le temps, c'est-à-dire à savoir quasiment 8 siècles, d'une traversée de 8 siècles, certaines erreurs sont apparues. Donc l'effort de ces deux imams s'est concentré aussi sur le fait de rectifier les erreurs qui sont apparues dans ces ouvrages-là. Deuxièmement, c'était une critique de leurs règles et de leurs écoles. C'est-à-dire, ils ont apporté un naqd, une critique qui était constructive et non, qui n'avait pas pour but de descendre simplement. Ils ont apporté une critique constructive et positif des règles et des écoles des mutakallimin. Et de même, troisièmement, ce fut un exposé de leurs qualités et leurs défauts. Ils ont montré aussi bien les qualités de cette voie-là qui était manhaj al-mutakallimin que les défauts qui étaient présents. Tout ceci sur base de la voie des manhaj, de la voie et du manhaj des salaf salih, radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Donc, si nous voulions extraire avec précision les vestiges de ces deux imams dans Usul al-Fiqh, nous serions face à d'énormes difficultés. Vu le travail et l'apport scientifique fourni par ces deux imams, nous serions face à d'énormes difficultés vu la grandeur de l'héritage scientifique laissé derrière eux d'un côté. Ça, c'est le premier point. Et de l'autre côté, leur sujet, très souvent on rencontre dans les livres de ces deux imams, et plus particulièrement Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comment dire, où nous rencontrons, où nous faisons face à un écart du sujet principal. Donc ce hors-sujet présent dans leurs œuvres qui caractérise plus Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Ibn al-Qayyim. Donc lorsque l'un d'entre eux, rahimahullah, débute un sujet, il passe à un autre, qui le fait passer à un troisième, et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi, vu ces deux points-là, premièrement, la grandeur du vestige scientifique et de l'héritage scientifique qu'ils ont laissé derrière eux, et deuxièmement, qu'il est très difficile de centrer et un sujet et d'y rester du début à la fin. Donc, vu ces points-là, il est plus qu'important et il est plus qu'essentiel de réunir les thèmes usuliyya, c'est-à-dire les thèmes qui ont un trait au domaine de Usul al-Fiqh, de ces deux imams dans deux listes distinctes. Donc, lorsque le cheikh ici, Al-Jizani, parle de deux listes distinctes, c'est parce que justement, et à la fin de son ouvrage qui est Ma'alim Usul al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah, il a établi deux listes et chacune de ces listes-là montre à quel passage, par exemple, il cite un sujet qui est, comme nous avons vu, at-taqbih, at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyain, le tahsin et le taqbih rationnel. Et il va te dire où Ibn Taymiyyah en a parlé, où Ibn al-Qayyim en a parlé. Donc ce travail-là que le cheikh a fourni est une facilité qui est donnée afin de comprendre et de voir la richesse du travail de ces deux imams-là. Et à cette occasion, le cheikh dit, à cette occasion, nous pouvons suggérer deux œuvres indépendantes de ces deux imams dans le domaine de Usul al-Fiqh. Donc ces deux imams ont écrit deux œuvres, et comme nous allons voir, l'une d'entre elles est une. Cheikh l'Islam Taymiyyah l'a écrit partiellement, il n'est pas le seul auteur de cet ouvrage. Ils ont deux œuvres qui sont dédiées et exclusivement vouées au domaine de Usul al-Fiqh. La première, Kitab al-Muswadda, de Ali Taymiyyah, de la famille Taymiyyah. Et nous allons voir pourquoi on dit de Ali Taymiyyah. Le deuxième, Kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, de l'Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Bien que ce deuxième ouvrage, qui est I'lamul Muwaqqi'in, ne soit pas exclusivement voué à Usul al-Fiqh. La majorité de, mais, donc, bien qu'il ne soit pas voué exclusivement à Usul al-Fiqh, la majorité des thèmes qui s'y trouvent sont consacrés à cette science-là et à ce fan-là qui est usul al-fiqh. Maintenant, ce qui est de al-muswadda, al-muswadda, dont on a parlé de la famille al-Taymiyyah, de la famille Taymiyyah, c'est à l'origine un ensemble d'avis, c'est un ensemble d'avis de al-Qadhi Abu Ya'la, celui qui a écrit al-Umda fi usul al-fiqh, qui est le premier Hanbali à avoir écrit un livre fi usul al-fiqh, al-Qadhi Abu Ya'la. Donc, al-Muswadda réunit un ensemble d'avis de al-Qadhi Abu Ya'la, de Abu al-Khattab aussi, qui est l'auteur du livre At-Tamhid fi usul al-fiqh. C'est le deuxième à avoir écrit un livre dans usul al-fiqh dans le madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et Abu al-Khattab était un élève de Abu Ya'la. Et d'Ibn Aqil aussi, Ibn Aqil al-Hanbali rahimahullah, et autres parmi les Hanabila, les savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc al-Muswadda a été réuni par Majduddin Abdussalam ibn Taymiyyah al-Harrani. Majduddin Abdussalam ibn Taymiyyah, qui était le grand-père de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc son nom, Majduddin, le grand-père d'Ibn Taymiyyah, qui est aussi l'auteur de Muntaqa al-Akhbar, qui est la source de Nailul Awtar de l'imam Shawkani. Donc l'imam Shawkani a exposé et a fait un commentaire de Muntaqa al-Akhbar. Et Muntaqa al-Akhbar était un livre qui réunit un ensemble de hadiths un ensemble de hadiths classés selon les chapitres de Al-Fiqh. Donc Al-Majd ibn Taymiyyah rahimahullah s'appelle Abdussalam ibn Abdillah, donc Abdussalam, fils de Abdullah, fils de Abu al-Qasim, Al-Khadr ibn Muhammad, fils de Muhammad, ibn Ali, fils de Ali, ibn Taymiyyah, Abu al-Barakat al-Harrani, donc son nom était Abu al-Barakat. Majduddin al-Faqih al-Hanbali, c'était un faqih s'affiliant à l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Muhaddith al-Mufassir al-Usuli, donc c'était aussi bien un muhaddith qu'un exégète, un mufassir, qu'un usuli, qu'un savant dans usul al-fiqh. Lahu kitabu Muntaqa al-Akhbar fi hadith al-Ahkam. Donc il a l'ouvrage, il a composé comme livre Muntaqa al-Akhbar, qui est un hadith dans al-Ahkam, les statuts légaux al-Far'iyya. Al-Amaliyya. Wa kitabu al-Ahkam al-Kubra. Il a composé aussi al-Ahkam al-Kubra et al-Muswadda. Il est décédé en l'an 652. Il est décédé en l'an 652 de l'Hijra an-Nabawiyya. Ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim. Donc l'an 652 correspond à l'année 1231 de l'année selon le calendrier grégorien. Donc cet ouvrage qui est Al-Muswadda a tout d'abord été réuni, le premier à avoir débuté cet ouvrage était le grand-père d'Ibn Taymiyyah qu'on appelle Al-Majd Ibn Taymiyyah. Cette Muswadda était un brouillon qu'Al-Majd, rahimahullah Ibn Taymiyyah, a écrit sans la remettre au propre. Il ne l'a pas remis au propre, c'était un brouillon qu'il a débuté. Son fils, qui est le père de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, son fils Shihabuddin Abdul Halim vint après lui et a commenté certains passages et à son tour ne l'a pas mis au propre. À son tour, il ne l'a pas mis au propre, d'où le nom qu'elle porte qui est Al-Muswadda. Maintenant, qui est Abdul Halim dont on a parlé? Abdul Halim se nomme Abdul Halim ibn Abdissalam ibn Abdillah ibn Taymiyyah. Al-Harwani, Shihabuddin, son surnom était Abu al-Mahasin ibn al-Majd. On le nommait aussi le fils de Al-Majd qui était le grand-père de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Atqana al-Madhhab al-Hanbali wa darasa wa afta. Donc il a excellé dans le madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal et il a enseigné et il est arrivé au degré de Al-Fatwa. Wa kana imaman muhaqqiqan. Donc c'était un imam et un chercheur, un éminent chercheur. وله يد طولة في الفرائض والحساب. De même qu'il avait un grand niveau dans le domaine de l'héritage. قيل عنه كان من أنجم الهدى وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس كان من أنجم الهدى وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس إشارة إلى أبيه وابنه. توفي سنة 682 بعد المئة السادسة الأولى. Donc il est mort en l'an 682 de l'Hijra al-Nabawiyya. Donc voir Shazurat al-Dhahab. Donc le deuxième à avoir travaillé cet ouvrage était le père d'Ibn Taymiyyah, donc Abdul Halim Shihabuddin. Puis vint le tour de Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim qui en commenta une partie, la laissant toujours au brouillon. Et durant toutes ces étapes, ayyuha al-ikhwa, cette œuvre est restée sous forme de brouillon, jusqu'à la venue de l'un des élèves de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, du nom de Ahmad ibn Muhammad ibn Abdel Ghani al-Harwani, puis le Dimashqi, ce qui était un faqih, un juriste hanbali, Shihabuddin Abu al-Abbas, qui est décédé en l'an 745 de l'Hijra, et qui correspond à l'an 1324 de l'année du calendrier grégorien. Qui, donc c'est cet imam-là, a assemblé cette œuvre, Al-Muswadda, la horde, il l'a assemblée, donc il s'est occupé, Afwan, il s'est occupé de l'assembler en premier lieu, de l'ordonner, et il l'a écrit au propre, et démêla les différentes parties. Donc premièrement, il a assemblé cette œuvre, il l'a ordonnée, il l'a classée, et il l'a écrit au propre, et il a démêlé les différentes parties. Il distingua ainsi les paroles de son cheikh, qui était Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, en disant qala shaykhuna, donc quand c'était Ibn Taymiyyah qui parlait, il disait notre cheikh a dit. Lorsque c'était son père Abdul Halim rahimahullah qui parlait, il disait qala walidu shaykhina, le père de notre cheikh a dit. Et quand c'était le grand-père de Cheikh l'Islam Taymiyyah, al-Majd, il le laissa yani muhmalan, sans commentaire, il le laissait comme tel. Ce livre qui est le Muswadda assemble un grand nombre d'avis de savants hanbalites dans Usul al-Fiqh, se faisant donc une référence dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans un grand nombre de sujets dans le domaine de Usul al-Fiqh. Donc ce livre est quasiment une référence pour savoir la position des savants du madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans le domaine de Usul al-Fiqh. Cependant, ce livre a besoin de ce qui suit. Premièrement, un tanqih, des retouches. À cause de quoi? À cause des répétitions présentes dans certains chapitres. Deuxièmement, un tahdhib, une classification. Car ce livre est un compilé de sujets et chapitres qui ne sont pas classés sous un même titre. Ou sous un titre donné. Le livre a donc besoin d'un index précis, sans oublier que nous ne pouvons être certains que ces avis sont les réelles positions de leurs auteurs, et lorsqu'on dit de leurs auteurs, de ceux qui l'ont composé, à savoir Cheikh Al-Majd ibn Taymiyyah, Abdul Halim, Abu Cheikh l'Islam et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Car ils l'ont écrit, ils l'ont laissé au brouillon, et ils le laissèrent sans une nouvelle rédaction ni une vérification. Donc on ne sait pas dire réellement est-ce que telle était, avec certitude, telle était la position de ces trois imams dans Usul al-Fiqh. Mais quoi qu'il en soit, ce livre a besoin d'un index précis, et ces choses-là dont on a parlé, qui sont ce travail qui doit être fourni vis-à-vis de ce livre-là, une certaine partie a commencé lorsque ce livre est apparu dans les librairies, à savoir en 1405 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim, qui correspond à l'an 1984, à Dr. Ahmed al-Dhouri, Dr. Ahmed al-Dhouri a authentifié ce livre-là, et ce livre est sorti, et a authentifié ce livre-là en l'an 1405, donc comme on a dit, et ce livre est apparu en 1422, qui correspond à l'année 2001 du calendrier grégorien. Mais avant ça, Cheikh Mohammed Muhyiddin Abdul Hamid a authentifié, l'a commenté par la même occasion. Il l'a authentifié et il l'a commenté. Donc, ici, ayyuha al-ikhwa, ce qui concerne Al-Muswadda. Donc si jamais un jour vous entendez parler de ce livre, vous savez en quoi consiste le contenu de ce livre-là. Donc ce sera déjà d'une certaine aide pour vous et pour les frères qui souhaitent s'intéresser un peu plus à ce ilm. Le deuxième livre dont on a parlé, qui était I'lam al-Muwaqqi'in de l'imam Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans cet ouvrage, cet éminent savant qui est Ibn al-Qayyim a énoncé un nombre de thèmes de Usul al-Fiqh, parmi lesquels le premier, Al-Qiyas, les conditions d'Al-Qiyas, les piliers d'Al-Qiyas, القياس كي فاليد القياس كي نيبا فاليد سيدير القياس الصحيح والقياس الباطل. De même qu'il a mentionné la question de al-istishhab, qui est la continuité de la règle et du hukm de base. Ça, nous le verrons par après, inshallah ta'ala. Qu'est-ce que al-istishhab? Donc, Ibn al-Qayyim en a traité et l'a étudié. La troisième question que Ibn al-Qayyim a traité, dont il a traité, est le at-taqlid, le conformisme. Dans quel cas il est permis, dans quel cas il est interdit et quel est son hukm dans la charia. Le quatrième point aussi, nous avons az-ziyadatu 'ala an-nass, ce qu'on appelle ziyadatu thiqa certaines fois, qui est que c'est le rajout d'une personne qui est de confiance, ou le rajout d'une manière générale. Quand est-ce qu'il est pris en compte, quand est-ce qu'il n'est pas pris en compte. Ziyadatu da'if, mata hal tu'tabar am la, wa ziyadatu thiqa kadhalik. Donc tout ça, Cheikh Ibn al-Qayyim en a parlé, qui est un sujet bien sûr dans l'usul à la base. C'est un sujet de usul à la base, mais qu'Ibn al-Qayyim a traité dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Cinquièmement, qawl al-sahabi, l'avis d'un sahabi, quand est-ce qu'il est pris en compte, quand est-ce qu'il n'est pas pris en compte. Sixièmement, dilalatul al-fadh ala al-zahir. Dilalatul al-fadh ala al-zahir. L'indication des termes dépend de leur sens apparent. Et qu'en est-il de ce sujet-là? Donc al-Imam rahimahullah on a traité. كذلك سابعا الفتوى la fatwa, ses conditions et le comportement à avoir lorsqu'on émet une fatwa et quelle est l'éthique à respecter lors de l'établissement de fatawi. Neuvièmement, saddu adh-dhara'i' wa tahrim al-hiyal, donc fermer les portes aux prétextes et voies vers le haram et l'exposer de l'interdiction de ruser pour se voir permis ce qui est à l'origine illicite. Donc Ibn al-Qayyim en a aussi parlé. Neuvièmement, laïsa fi shari'ati ma yukhalifu al-qiyas. La sharia ne comporte rien qui s'oppose au qiyas qui est valide. Le qiyas sahih s'accorde avec un nas, avec les textes. Et il n'y a pas un qiyas qui est valide qui s'oppose au texte comme certains l'ont prétendu. Et Ibn al-Qayyim a aussi développé d'autres thèmes comme dhikr a'immat al-futya min as-sahaba wat-tabi'in wa man ba'dahum. Il mentionna aussi les maîtres de la fatwa parmi les sahaba, les tabi'in et ceux qui leur succédèrent sur la même voie. Deuxièmement, sharh khitab Omar radiallahu anhu fil qada. Il a fait le commentaire et l'exposé du discours que Omar a fait dans l'écrit de Omar dans la manière de juger lorsqu'un litige se présente à toi et que Omar a envoyé à Abu Moussa الأشعري رضي الله عنه. ثالثا أنواع الرأي المحمود والرأي المذموم. Donc les différentes sortes de رأي qui soient honorables ou blâmables. Donc Ibn al-Qayyim en a aussi traité dans cet ouvrage. رابعا مسائل الطلاق والإيمان أو الأيمان. لست أدري لأن الظاهر من كلام الشيخ الجيزاني أو الطبعة التي في يدي أنه قال مسائل في الطلاق والإيمان ولعله الأيمان والله تعالى أعلى وأعلم. Donc des questions sur le, il a aussi exposé certaines questions sur le talaq, sur le divorce et sur soit les serments, soit sur la question de l'Iman. Donc la tabaa que j'ai entre les mains, nous voyons l'Iman, mais il se peut aussi que ce soit l'Iman qui sont les serments et les ahkam qui tournent autour des serments. Sadisan فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأبواب الفقهية. Donc les fatawa, les avis juridiques du prophète صلى الله عليه وسلم dans la aqida, dans le dogme et les différents chapitres du fiqh. Donc les fatawa du prophète صلى الله عليه وسلم dans le dogme et les différents chapitres du fiqh. سادسا أمثلة في الحيل المباحة والباطلة. Donc sixièmement, il y a des exemples de ruses permises et les ruses qui sont invalides. Sabi'an, amthilatun fi radd al-mutashabih ila al-muhkam. Donc il a aussi, huitièmement, il a cité des exemples illustratifs de la démarche de comprendre le mutashabih, c'est-à-dire les textes qui ont plusieurs significations, selon al-muhkam, les textes qui n'ont qu'une seule et même signification. Donc il a mentionné des exemples illustratifs de cette démarche que nous, chacun se doit de faire, qui est de comprendre al-mutashabih, c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunna qui ont plusieurs significations, selon al-muhkam qui n'a qu'une seule et même signification. Donc Ibn al-Qayyim a mentionné plusieurs exemples pour prouver cette démarche-là et mettre la lumière sur cette démarche. Donc, ayyuha al-ikhwa, nous voyons que ce livre se distingue par le grand nombre d'exemples fiqhi, d'exemples juridiques, qui illustrent et mettent la lumière sur les règles d'al-usul. Ça, c'est une première chose et qui est une mise et une chose qui distingue clairement cet ouvrage de beaucoup d'autres ouvrages. Donc, ce livre, avec le grand nombre d'exemples juridiques qu'il a mentionnés, des masail fiqhiyya qu'il a cité dedans, ça te met la lumière sur les qawaid de l'usuliyya. Et dès lors que ça te met la lumière sur les règles de l'usul, tu les comprends beaucoup mieux. لأن بالمثال يتضح المقال. لأنه بالمثال يتضح المقال. Car à travers les exemples, les propos des gens, ou ce que la personne va dire, devient de plus en plus clair. Ou se clarifie. Deuxièmement, il expose, rahimahullah, dans cet ouvrage, la sagesse, al-hikma min al-tashri'a, de la législation d'Allah Ta'ala, et les maqasid, les objectifs de cette sharia. Donc cet ouvrage expose la sagesse de la législation et les objectifs, les maqasid. Qu'est-ce que vise cette législation qui est la législation d'Allah Ta'ala? Par exemple, il a répondu dans cet ouvrage à ceux qui ont prétendu qu'Allah peut réunir dans un même hukm deux choses. Dans un même hukm, dans les ahkam, entre deux choses qui sont opposées. Et il peut séparer dans le hukm deux choses qui sont semblables sans aucune distinction entre les deux. Ou sans aucune distinction qui a un effet, c'est-à-dire mu'athira. Certains, ils ont prétendu ça. Le premier à avoir prétendu ça est An-Nazzam al-Mu'tazili. An-Nazzam al-Mu'tazili, qui est le premier à avoir prétendu qu'Allah peut réunir entre deux choses distinctes, entre deux choses qui sont complètement distinctes et leur donner le même hukm, et il peut séparer entre deux choses qui sont semblables et qui n'ont aucune distinction qui pousserait à ce qu'ils aient un hukm qui soit différent. Le premier à avoir prétendu ça, c'est An-Nazzam, puis d'autres qui ont suivi, que parmi les Al-Zahiriyya, qui ont aussi cette prétention-là, qu'Allah peut réunir entre deux choses distinctes et se rassembler entre deux choses, entre semblables. Et il peut rassembler entre deux choses qui, on peut, il peut séparer entre deux choses qui sont semblables. Et c'est ce qui a poussé aussi An-Nazzam à renier Al-Qiyas. C'est ce qui a poussé An-Nazzam Al-Mu'tazili à renier Al-Qiyas. Et c'est ce qui a poussé aussi d'autres personnes par après à renier Al-Qiyas et dire que lorsque deux choses sont semblables, ça ne veut pas dire qu'il y a le même hukm, car Allah peut réunir entre deux choses Allah peut séparer entre deux choses qui sont distinctes, qui sont. Allah peut séparer entre deux choses qui sont semblables en apparence. C'est ce qu'ils ont prétendu. On verra d'autres exemples, inshallah ta'ala, au prochain cours, pour mettre la lumière un peu sur cette question-là. On mentionnera un certain nombre d'exemples. Est-ce que An-Nazzam al-Mu'tazili a cité comme Shubha pour remettre en cause ce principe qui est le qiyas, et les exemples qu'il a donnés, ce qui selon lui, dans lesquels, selon lui, Allah a réuni entre deux choses qui sont distinctes. Et il a séparé entre deux choses qui sont semblables. On verra ça, inshallah ta'ala, au prochain cours, pour justement qu'on comprenne mieux le travail de ces deux imams qui sont Ibn al-Qayyim et Cheikh l'Islam Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Donc cet ouvrage qui est Alam al-Muqayyin, donc expose la sagesse de la législation et les objectifs de cette législation-là. Et cet ouvrage se distingue aussi par la qualité de l'exposé qui s'y trouve. Et la qualité de l'exposé et du style. Le style d'écriture est un style qui est très plaisant et qui est. C'est un style très plaisant et qui est simple. Quatrièmement, l'abondance de hadiths de hadith dans cet ouvrage-là. Et les textes aussi selon les sahaba et les tabi'in, radiyallahu anhum. Cinquièmement, les avis détaillés de certains imams de cette communauté que l'imam Al-Qayyim rahimahullah a mentionné dans son ouvrage. Donc, en ce qui concerne le style, je reviens simplement dessus, c'est la qualité, la beauté du style surtout. La simplicité, il se peut que ça soit plus ou moins simple pour une personne, il se peut que ça soit plus simple pour une personne que pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, un arabe, quelqu'un qui a conquis qui comprend convenablement la langue arabe, ce style lui sera très très plaisant. Et il trouvera une beauté dans ce style d'écriture. Et parmi les exemples de cette abondance de hadith et des textes selon les sahaba et les tabi'in, radiyallahu anhum, il y a les textes que l'imam al-Qayyim a mentionnés, qui sont très très importants pour montrer que le qiyas est une base et un fondement dans la religion qui est accepté et qui n'est pas comme le disent al-Zahiriya, un tashri'a en dehors d'Allah Azzawajal, ou une bid'a muhdatha, ou une hérésie dans la religion d'Allah Ta'ala. Donc Ibn al-Qayyim a cité un grand nombre de textes et de textes des sahaba radiyallahu anhum qui utilisaient eux-mêmes le qiyas. Donc pour ceux ici, donc ça c'est un commentaire, ça ne rentre pas dans les paroles de l'imam Jizani, de Sheikh al-Jizani. Donc pour ceux qui nient, qui remettent en cause le qiyas, il faut savoir qu'Ibn al-Qayyim, que nous allons voir inshallah dans un cours à part entière et indépendant de ces cours-là. Donc l'ensemble de ces textes qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné, il y a deux solutions. Soit les sahaba ont innové un manhaj et un tashri', ils ont légiféré en dehors d'Allah azzawajal. Et ils ont innové une hérésie. Et les autres sahaba qui ont vu que ces sahaba-là qui ont utilisé le qiyas, ils ont vu que les sahaba ils ont utilisé le qiyas, ils ont gardé le silence. On a deux solutions. Soit on prétend que les sahaba sakatou anil munkar, ils ont gardé le silence face à un munkar, et qui était une nouvelle base dans la religion qui venait d'apparaître. Donc soit on prétend ça, et la irfakum ne vous échappe pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sakitu anil haqqi shaytanun akhras, celui qui garde le silence face à une vérité est un shaytan akhras, est un shaytan silencieux ou un shaytan muet. Ou est de même la parole d'Allah azawajal, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, donc vous êtes la meilleure communauté qui est émergée pour les gens, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc il n'y a pas un mal si ce n'est que les sahaba l'ont interdit. Il est impossible qu'un mal arabe et que tous y gardent le silence pour le blâmer. Personne ne le blâme. Ça, c'est impossible que ça se produise. Donc si un certain nombre de sahaba ont utilisé une démarche et un procédé qui est en réalité le qiyas, et que les autres sahaba ont gardé le silence, qu'ils ont gardé le silence face à ce procédé-là, et ils ne leur ont pas dit « vous avez innové dans la religion un nouveau procédé », donc le fait que ces sahaba, les autres sahaba ont gardé le silence face à ceux qui ont utilisé ce procédé-là, ça montre que le procédé en soi n'est pas une bid'a et n'est pas une erreur. Mais ce qui peut être une erreur, c'est l'application de ce procédé-là. Tatbiq al-qiyas ala ard al-waqi'a ou fil masail, c'est là que l'erreur elle peut apparaître. Mais quant à l'origine même du qiyas, c'est une démarche et un procédé qui est convenable et accepté dans la religion d'Allah Ta'ala. Et ici se termine, ayyuha l'ikhwa, le cours d'aujourd'hui, inshallah. Je résume ce dont on a parlé. On parlait donc de cette troisième étape que Ilm Usul Fiqh a rencontré chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Dans le cours précédent, nous avions parlé du premier côté ou de la première optique par laquelle nous pouvons observer les efforts de ces deux imams qui sont Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim rahimahullah. Dans ce deuxième cours, donc dans le cours d'aujourd'hui, nous avons vu quoi ? Nous avons vu la deuxième optique par laquelle nous pouvons observer l'effort de ces deux imams, qui était de remettre en cause, de prouver les erreurs des Mubtadi'a, de rectifier certaines erreurs qui sont apparues dans les livres de Usul Fiqh sur la voie des Mutakallimin, de prouver de même, de mettre la lumière sur certaines questions qui ont vu apparaître deux extrêmes déviantes parmi ces questions. Nous avons vu le tahsin ou le taqbih à l'aqliyain, déterminer qu'une chose est bonne ou mauvaise en fonction de la raison. Nous avons vu la position des mu'tazila, la position des asha'ira, la position d'ahl sunnati wal jama'a, qui est une position intermédiaire. Donc ces deux imams s'efforcèrent de montrer ce point-là et d'autres points que nous avons cités dans ce cours-là. De même que nous avons vu deux ouvrages qui étaient indépendants de ces deux imams dans le domaine de Usul Fiqh. Nous avons vu le Muswadda de la famille de Taymiyyah. Nous avons vu qui sont les auteurs de cet ouvrage-là, à savoir le grand-père d'Ibn Taymiyyah, Al-Majd, Abu al-Barakat, le père d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Abu al-Mahasin, Abdul Halim, et Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Rahimahullah ta'ala. Nous avons vu aussi, tenu de cet ouvrage-là, les avis des savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans le domaine de Usul Fiqh, et ce dont cet ouvrage a besoin, nous avons vu ça aussi. Et de même, puis nous sommes passés à Kitab I'lam al-Muwaqqi'in, nous avons observé le contenu de ce livre d'une manière concise. Et voilà le contenu du cours d'aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, fama kana min sawabin famin Allah wahda, wa ma kana min zalalin, wa ma kana min khatain au zalalin au nisyan, famini wa min ash-shaytan, wallahu wa rasuluhu minu bara. Donc tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul, toute erreur, oubli ou omission, devient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents, et Allah demeure le plus savant. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. S'il y a des questions, on va laisser 15 minutes, inshallah ta'ala. Des questions sur le sujet. Je reviens juste sur une question qu'un frère a posée. Al-Mutashabih, l'équivoque. Est-ce que le Mutashabih est ce que désigne ce qui porte à équivoque? Al-Mutashabih. Al-Mutashabih, comme le dit l'imam Shanqiti dans Al-Mudhakira fi Usul al-Fiqh, donc il dit Al-Mutashabih, c'est ce qui peut avoir plusieurs significations. Al-Muhkam, c'est ce qui n'a qu'une seule et même signification. C'est une des meilleures définitions qui a été donnée. Et de toute manière, Inch'Allah, nous verrons ce sujet par après, lorsqu'on aura terminé cette introduction à Usul al-Fiqh. Mais je pense qu'on va raccourcir l'introduction pour pouvoir passer à d'autres points. Donc simplement, je tenais à vous annoncer une chose, Inch'Allah ta'ala, c'est qu'après cette introduction, je pense qu'on va laisser le livre Al-Ma'alim fi Usul. Pour quelle raison? Parce que il se peut que tout le monde ne cerne pas le contenu, pour passer à un autre livre, qui est Al-Qawa'id al-Usuliyya de Sheikh Walid al-Sa'idan. Et car dans ce second livre, il y a un grand nombre d'exemples, ce qui fait que ça va vous motiver, Inch'Allah ta'ala. Car les exemples, c'est des choses que vous pouvez rencontrer dans votre vie de tous les jours. Donc ça va être une règle, donc tu retiens la règle et tu retiens les exemples, et ça ira beaucoup plus vite, Inch'Allah ta'ala. Et je pense que ça enchantera un peu plus les gens d'assister à ces cours-là. Wallahu a'lam. Donc je remets le micro s'il y a des questions sur le sujet. Il y a 15 minutes, Inch'Allah, jusqu'à à peu près 23h05.